fois, il n'y a pas besoin d'être maître du monde pour faire des trucs à mon air. C'est une petite ville pourrie. Can I kick it? Can I kick it? Il n'y a pas besoin d'être le maître du monde pour faire des trucs à Annonay. Et yes we can réinventer cette petite ville pourrite. Les réinventeurs, c'est vous, c'est nous. Embarquez dans la nacelle et préparez-vous pour une grosse demi-heure d'imagination à fond les ballons. Écoute quand je capte. Ah, voilà l'été. Les arbres en fleurs ont laissé la place aux premiers fruits et peut-être avez-vous déjà planté vos premières tomates ou récolté quelques fraises. Aujourd'hui, nous partons à la recherche des réinventeurs des espaces naturels en ville. Et pour chercher ensemble ces fous qui préfèrent faire fleurir la nature en ville plutôt que de faire quelques kilomètres pour se rendre dans le pays des merveilles de la campagne de l'Ardèche verte, j'accueille la magnifique Alice. Bonjour Alice. Bonjour Julie. En effet, dans notre petite ville industrielle située entre la sinueuse vallée de la Canse et le majestueux Mont Pila, il faut en vouloir pour se retenir de sortir d'Annonay et cultiver son jardin en pleine ville. Mais nous avons trouvé quelques réinventeurs un peu fous, prêts à relever le défi de faire vivre la nature en ville. Que ce soit au parc Mignot lors des rendez-vous au jardin ou dans la micro-ferme d'un maraîcher urbain. Et ils étaient nombreux au cours de ce premier week-end de juin à se retrouver dans les rendez-vous au jardin. Des jeunes de la maternelle au lycée, des à peine moins jeunes membres de l'association des vœux quartiers, des riverains, des promeneurs, mais aussi des militants de la cause environnementale. On les a retrouvés au parc Mignot, mais il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine de jardins partagés qui sont dans Annonay, qui sont tous unis dans le réseau jardin. Ce réseau, ces jardins, ce sont des lieux d'échange, mais aussi de verdure dans notre ville industrielle, parfois un peu grise. Les rendez-vous au jardin, quant à eux, c'est une initiative nationale qui est reprise localement par les municipalités. Et tout ce petit monde s'est réuni au parc Mignot, où nous sommes allés faire un tour pour bavarder. Allez, on vous emmène. Donc, je m'appelle Philippe Grange, je suis président de l'association des vœux quartiers. On est un petit peu connu depuis 2009 sur Annonay, parce qu'on fait plein de manifestations, notamment les rendez-vous au jardin. C'est la quatrième année qu'on fait ça. C'est une opération qui fonctionne très bien. On s'occupe aussi du bal des forges, qui est pour le 21 juin. Et on est arrivé au rendez-vous jardin parce qu'on avait un jardin partagé, qui est donc dans le bas du parc Mignot. Et donc c'est voilà, suite à ça qu'on s'est intéressé. Et puis avec Patrick Largeon, on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas quoi. Alors il y a trois jours. Il y a trois jours, donc il y a le vendredi, c'est la journée scolaire, donc c'est essentiellement CP, maternelle, primaire. Et les deux jours, samedi et dimanche, donc c'est réservé au grand public. Donc il y a plein de manifestations de prévues, donc pour les citer vite fait, hein, il y a CPN Colibri, il y a Catherine Jay qui fait de l'osier, il y a l'apiculteur. Voilà, il y a plein d'animations de ce style-là, hein. Des animations qui sont sur le thème d'écologie, de la biodiversité, du respect, avec notamment les déchets ménagers par exemple. Il y a des expos photos, donc c'est quand même assez conséquent. J'ai un pétard. Quand on a créé l'association, c'était d'abord pour faire bouger les vieux quartiers, aussi bien au niveau des gens, au niveau de la structure, au niveau des démolitions, au niveau des reconstructions, au niveau de la convivialité. Enfin voilà, au départ c'était ça. Après c'est greffé tout ce qui va autour. Mais nous on est très impliqués dans ce qui est rénovation du centre ancien. Bah, ça a été une demande au départ, hein. C'est qu'il y a plein de gens qui habitent dans le centre ancien qui n'avaient pas de jardin, parce que c'est beaucoup des immeubles, il y a très peu de jardins. Et il y a des gens qui étaient demandeurs, donc de jardins pour jardiner et pour apprendre ce que c'était que le jardinage. Il y en a plein qui ne connaissaient pas le jardinage, donc qui ont découvert. Donc de fil en aiguille, c'est vrai qu'entre les gens qui sont habitants et qui veulent jardiner ou s'insérer là-dedans, et les jeunes et les plus jeunes, parce que je crois que ça passe par là, hein, le respect de la nature, ça passe par l'apprentissage de la biodiversité et du respect aussi. Je m'appelle Clémence. Je m'appelle Amel. Je m'appelle Suzy. Je suis en train de tisser un tapis avec le fil. C'est parce qu'on a un projet en fait en IDD qui s'appelle couverture de pique-nique et on a travaillé ce projet depuis le début de l'année pour venir ici. Le but de l'IDD c'est qu'à la fin de l'année on ait fini un tapis et on pique-nique dessus, voilà. Donc c'est ça. D'accord. Pourquoi ça s'appelle la couverture de pique-nique. Donc là c'est une classe de 4e du collège de la Lombardière. D'accord. Et qui fait un projet ambassadeur de l'environnement, ça s'appelle comme ça. Le dispositif, c'est un itinéraire de découverte. On fait ça une heure toutes les deux semaines, donc on ne les voit pas souvent. Et donc, pour sensibiliser à l'écologie, on s'est dit qu'on allait apprendre à faire un truc de A à Z. Alors, notre but, c'était de faire un pique-nique. Et pour faire ce pique-nique, on s'est dit qu'on allait jardiner pour manger quelque chose de bio, quoi. Et en même temps qu'on allait faire une couverture pour pique-niquer assis sur une couverture à l'ancienne. Au début, on devait cultiver des fruits et des légumes et pour qu'en fait, au collège, on puisse se servir pendant la récréation des myrtilles ou des framboises. Et pour faire cette couverture, il fallait faire du tissage. Donc, on a fabriqué des métiers à tisser et puis on a trouvé de la laine de mouton brute, hein, avec les crottes, la paille, tout ça, quoi. Donc là-bas, il y a un stand de lavage de la laine. Après, on la peigne, on la carde. Une fois qu'elle est cardée, la laine qui est toute douce, il n'y a plus d'impureté, plus rien. On va la filer de manière traditionnelle à la main avec un fuseau et la fusaïole. Et à la fin, il y a tout le monde qui tisse. Et puis cette année, plutôt que de prendre que de la laine qu'on fabriquait nous-mêmes, on a récupéré des vieux stocks de laine, du coup il y a des couleurs. C'est intéressant, ça change de d'habitude en fait. On découvre à chaque fois des nouvelles choses en IDD. Mais là, pour ces rendez-vous au jardin, nos élèves sont les animateurs. Donc c'est eux qui expliquent aux écoles primaires comment on fait le tissage, le nettoyage, etc. etc. Bon, là, il est bien ce parc, j'aime bien. Ouais, le parc Mignot. C'est un super joli parc et je connaissais vraiment pas parce que je suis venue une fois ici et on a visité plein de choses et que j'avais jamais vu, c'est un joli parc. Après, quel lien on va avoir avec la nature ici? Moi, je considère que même quand on est dans Annonay, il y a une nature qui est omniprésente. C'est verdoyant, le paysage, c'est des collines remplies de verdure. Après, est-ce que c'est pour autant qu'on va être respectueux de notre environnement? C'est pas gagné. Il y a le jardin partagé, je trouve ça super de partager le jardin avec plein de gens et cultiver les fruits et légumes. Aujourd'hui, je pense que c'est pas le cas. Pour nous, on n'est pas dans la nature. On est en train d'animer des actions avec des élèves. Là, pour nous aujourd'hui, le côté environnement, il n'est pas vraiment trop là. Les élèves, ils sont plus dans l'intergénérationnel. Ouais. Ce matin, ils sont arrivés, on a déballé très très vite. Il y a un premier groupe qui est arrivé de petite section de maternelle. Et là, ils se sont rendus compte qu'on ne faisait pas du tissage. On faisait reconnaissance des couleurs. Ça, c'est quelle couleur? C'est le rouge. Nos élèves étaient pleins de bienveillance. Tout ça, c'était mignon. Et notamment, faire le jardin. Et quand on fera le jardin, on s'intéressera aux plantes, en s'intéressant à notre radis, on s'intéressera aux grandes forêts équatoriales. Parce qu'on n'est pas capable de s'intéresser au monde entier si on ne part pas de notre salade dans le jardin. Quoi. C'est obligé, je pense. Je m'appelle Marc Douillet et j'habite à Annonay depuis 88 dans les vieux quartiers. J'ai un peu bougé, mais je suis resté dans les vieux quartiers. Justement, je disais les jardins ou la nature en ville, et ben voilà le parc Mignot. Se promener, faire du ski de fond ici en hiver, parcours de ski de fond. La musique, c'est hyper important pour moi, c'est un média pour communiquer avec les gens. Je suis élève au conservatoire aussi quand même. Mais quand je vais répéter pour moi ou avec d'autres, j'ai fait aussi ici un trio de serpents avec un collègue qui vient de Suisse. Jouer ici, voilà quoi. Hein, c'est pas pareil que face à, je sais pas, enfin voilà, c'est bien. Je trouve. En plus, ces instruments-là se prêtent quand même particulièrement à jouer dehors pour pas emmerder ni ma compagne ni mes voisins. En gros, c'est ça. Alors là, il y a un gros tuba. Alors après, il y a l'ancêtre du tuba. Alors là, c'est le serpent. Le jardin, c'est juste... Là-bas, ils ont des jardins partagés, donc ouais. C'est le jardin, c'est aussi l'opportunité de faire des choses ensemble, quoi. Ouais. Mm-hmm. Je suis partie à la rencontre de Clémence, qui va nous raconter comment elle travaille avec les enfants sur ses jardins et ses plants. Je m'appelle Clémence Levesque. Je travaille en périscolaire. Un jardin au parc Mignot, mon jardin partagé de l'association des vieux quartiers qui me prête une parcelle de leur jardin. Donc ce jardin-là, j'y vais avec les enfants de l'école des Cordeliers et les enfants de l'école de Malval. Et il y a un jardin au Zodiac, c'est dans l'école qu'on a fait le jardin. C'est un peu plus compliqué au sein de l'école parce que de les fermer pendant les vacances. Les enfants ne peuvent pas forcément y venir avec leurs parents, alors que celui du parc Mignot, il y en a qui vont le montrer à leurs parents. Du coup, il y a un peu une continuité après les temps périscolaires. Animatrice pour enfants, mais c'est un métier que j'ai appris sur le terrain, on va dire, au fur et à mesure de mes expériences. J'ai au départ un diplôme de psychologue, après j'ai travaillé dans l'équithérapie, je fais de la thérapie avec le cheval, avec les personnes handicapées, et puis après je me suis intéressée au maraîchage. Enfin d'abord je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on mangeait, qu'est-ce qu'il y avait dans nos assiettes, enfin, qu'est-ce que je mangeais. Et du coup, en me rendant compte que je connaissais pas les trois quarts des aliments, en fait, de l'origine des aliments qu'il y avait dans mon assiette, ça m'a donné envie d'apprendre à cultiver la terre et de savoir le faire par moi-même pour arriver petit à petit à une certaine autonomie alimentaire. Que j'ai travaillé un peu avec des maraîchers, j'ai travaillé aussi en tant qu'animatrice dans une ferme de cocagne, dans la Drôme. Et après, je suis arrivée sur Annonay. Et sur Annonay, et ben, c'était le début des nouveaux temps, des nouveaux rythmes scolaires. Et donc la mairie cherchait des intervenants. Donc je me suis proposée pour animer des ateliers autour du jardin et de l'environnement. Alors je travaille avec les écoles primaires, donc c'est des enfants du CP au CM2. Une moitié de CP-CE1 et une moitié de grands, des CM1-CM2. Dans un jardin, ça leur permet d'être à peu près autonomes après les enfants. Parce que quand il y en a 10 ensemble dans un jardin, c'est un peu compliqué de répondre à toutes leurs sollicitations. Donc le fait qu'il y ait un mélange des âges, bah, ça me paraissait plus pertinent et ça fonctionne mieux. Les petits aiment bien aller demander de l'aide aux grands. Les grands sont ravis de pouvoir aider les petits. Dans ces ateliers jardin, l'objectif de départ, c'est de créer un jardin avec les enfants sur une parcelle qui jusque-là n'était pas existante. On désherbe au départ, on choisit où est-ce qu'on va planter les légumes, comment, si on a envie de donner une forme particulière au jardin ou pas. On fait les semis. C'est les enfants qui sèment eux-mêmes ce qu'ils vont ensuite planter dans le jardin. Je ramène les plants, on fait des repiquages ensemble quand les plants sont petits et qu'il faut les remettre dans des pots individuels. Et ensuite, une fois que les plants sont suffisamment grands, on les met dans le jardin. Pendant que les plants grandissent, ça nous fait pas mal de séances qui permettent d'aborder d'autres thèmes autour du jardin. Par exemple, le jardinage au naturel, comment on peut faire sans utiliser les produits chimiques, quelles sont les alternatives naturelles qui existent au jardin. On parle aussi de l'utilisation de l'eau au jardin, ce qui est lié au paillage. On va évoquer les insectes, les observer, voir comment ils vivent, trier des déchets, pourquoi c'est important, comment on peut nourrir la terre avec nos propres déchets. À peu près tous les enfants sont quand même bien investis. Au niveau du jardin, ils demandent souvent des nouvelles des plants quand j'ai les plants qui sont chez moi en train de pousser. Ils savent, ils se rappellent de ce qu'ils ont planté ou semé dans le jardin. Ils s'interrogent parfois sur la santé de telle ou telle plante parce qu'ils trouvent qu'elle a une allure particulière. Donc dans le jardin, je les trouve assez impliqués. J'habite à l'extérieur du village et j'ai une serre qui est chez des amis, donc qui me mettent à disposition. Je suis née en banlieue parisienne dans le 92 à Sèvres. Au départ, je suis très citadine, mais bon, toutes mes vacances ont été des vacances à la campagne quand j'étais petite et j'ai toujours adoré être dans la nature. J'envisage pas vraiment de faire un métier autre qu'en rapport avec la nature. Je pense qu'il y a des habitants qui seraient bien investis et prêts à s'impliquer dans la mise en place de jardins ou de fleurissements, et d'autres que ça préoccupe pas du tout. Merci Alice d'être allée discuter avec Clémence. Et je voudrais rajouter que pour que l'implication citoyenne soit possible, cette implication dont nous parle Clémence et qu'elle appelle de ses voeux, il faut aussi que le contexte de la ville soit propice à laisser vivre cette implication, mais aussi laisser vivre les plantes, ne pas piquer les fruits rouges, et puis il faut aussi parfois avoir l'envie, prendre le temps d'aller se promener. D'ailleurs, en parlant d'envie et d'implication, les habitants de la rue Valjela, quant à eux, nous parlent de leur belle initiative qui est de réaliser un jardin participatif pour s'approprier les parterres de fleurs de leur quartier. Toi qui as adoré les escargots, ouais. Quand t'étais petit, tu disais les cagots. Ouais. Les cagots. Les cagots. Oh, il est monté. Oui. Attention, il va te piquer. Mais non, mais ça pique pas les escargots. Donc je suis Antoinette Scherrer, je suis la première adjointe en charge de l'urbanisme, de l'aménagement urbain et du cadre de vie. Et donc aujourd'hui ce que nous voyons, donc ce petit début de fleurissement du centre ancien, c'est permettre aux habitants de prendre possession de l'espace qui est autour d'eux, avec des jardinières qui sont là, qui ne sont pas fleuries, qui ne sont pas utilisées actuellement, qui sont un peu délaissées, et finalement permettre aux gens de se retrouver autour de ce travail, entre guillemets, et de continuer à arroser, à désherber, et à entretenir finalement ce qui sera juste autour de chez eux. Ben, je suis Lucia Saada, j'habite dans le quartier depuis 8 ans. En fait, les bacs étaient vides et donc les gens croient que c'est des poubelles. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu joli et surtout que les habitants se l'approprient et soient fiers de ce qu'ils ont et rendre le quartier un peu plus attrayant et plus sympa. I want to buy you flowers. It's such a shame you're a boy. But when you are not a girl, nobody buys you flowers. I want to buy you flowers. And now I'm standing in the shop. I must confess, I wonder if you will like my flowers. You are so sweet, and I'm so alone. Oh darling, please tell me you're the one. I'll buy you flowers. I'll buy you flowers like no other girl did before. C'était de Émilie Simon, le titre « Flowers ». Quelques jours après les rendez-vous au jardin, nous sommes allés rencontrer Romain Evrard, un jeune maraîcher installé dans les hauteurs d'Annonay, qui s'est lancé dans une production permacole. Donc nous, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de motoculteur. Voilà. La grelinette, donc là c'est une grelinette qu'il y a dedans. Donc on la plante et puis on soulève légèrement pour décompacter et on retourne pas quoi. Et hop, on recule. On est sur les hauteurs d'Annonay, quartier de Montalivet, derrière le lycée Saint-Denis. Donc nous ici on pratique ce qu'on appelle la micro-agriculture bio-intensive. Donc c'est du jardinage, du maraîchage sur des toutes petites surfaces. Quand on parle de bio-intensif, c'est pas intensif dans le sens un peu péjoratif du terme qui veut dire nécessiter beaucoup d'intrants pour avoir une grosse production. C'est intensif dans le sens où c'est très condensé en fait sur des petites surfaces, et ce qui permet d'avoir un rendement élevé au mètre carré. Alors ce qu'on voit là, vous êtes dans un jardin en mandala. Voilà. Un des principes de la microagriculture bio-intensive, c'est qu'il y a un très grand soin qui est apporté au sol. On ne retourne jamais le sol ici. Voilà. La seule chose qu'on fait, c'est de l'aérer avec l'agrolinette. On part du principe que voilà, pour avoir une vie microbienne intense, c'est ce qui va permettre à votre sol en fait, d'être sain, c'est d'avoir des bactéries, des micro-organismes, d'avoir une faune. Voilà. Okay. Donc en fait, le principe de tout ça, c'est d'avoir un jardin qui soit hyper diversifié, en fait, parce qu'on essaie d'avoir le moins possible recours... enfin, on n'a même pas du tout recours aux pesticides ou toutes ces choses-là, en fait, donc... Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas en avoir besoin? C'est d'avoir un système qui est équilibré. Et qui dit équilibré dit très diversifié. Donc, c'est-à-dire, c'est avoir des fleurs, des espèces de légumes très diversifiées. Et en même temps, ça va créer plein de refuges pour des auxiliaires. Les auxiliaires, c'est les copains du jardinier, en fait. C'est ceux qui vont arriver, en fait, pour limiter un peu les pressions qu'on connaît bien. Vous avez la coccinelle, les larves de coccinelle, en fait, qui vont manger les pucerons. Et pour qu'ils soient là, bah, il faut leur permettre d'avoir un refuge, quoi. Avec de la betterave, avec de l'échalote. L'échalote, elle a la particularité, fait partie de la famille des aliacées, en fait, elle est insectifuge, quoi. Donc ça va un peu nettoyer le sol, voilà, sur cette butte-là. Vous avez des haricots qui, eux, vont explorer la surface aérienne. Vous avez les salades qui vont explorer le bas. Voilà, on essaie vraiment pour augmenter le rendement au mètre carré, quoi. Donc on n'est pas dans un système de compétition, mais plutôt de complémentarité. Vous avez des légumes qui sont à cycle long, d'autres qui sont à cycle court. Donc par exemple, on va associer des salades qui, elles, ont un cycle plutôt rapide à des choux qui vont mettre plus de temps pour se développer. Vous avez la carotte et le radis aussi qu'on associe, nous, beaucoup sur une même planche de 75 cm. On fait 12 rangs de radis, 12 rangs de carottes. On sème en même temps. Alors autour de nous, on a du chou chinois, pak choy, on a un peu d'épinards, il y a de la betterave, des échalotes, de la fraise, de la salade, des haricots, de la courgette, du chou kale. On a du topinambour, on a du persil, on a de la fève, il y a du panais, il y a de la betterave, il y a de la blette multicolore, il y a de l'oignon. Il y a de la bourrache, il y a de la calendula, des calendulas, il y a des œillets, de l'absinthe, de la mélisse, du romarin, de la soja ananas. Vous avez déjà senti la soja ananas? Parce que là, bon, là, ce que vous voyez là, c'est un jardin privé, et quand on a du surplus, on le vend. Ouais. Voilà. Et à terme, l'objectif, c'est de créer donc, une micro-ferme, et donc de développer vraiment une activité, un atelier maraîchage, de vendre nos légumes sur place. Et de trouver des partenariats. Moi, j'aimerais bien essayer de trouver des partenariats avec des restaurants sur Annonay, des choses comme ça. Généralement, on cultive sur de la petite surface. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on arrive à produire beaucoup sur de la petite surface. C'est parce qu'en fait, on veut laisser de l'espace pour de la biodiversité. Pour des haies, pour une mare, pour des arbres, pour des zones qu'on ne va pas toucher, qu'on va laisser se développer naturellement, etc., etc. Mais ouais, c'est amusant de voir finalement que on est en ville, hein, malgré tout. Hein. On se retrouve dans un espace qui donne pas l'impression d'être en ville. Bon, on va peut-être se poser pour parler. Ouais. Voilà, on a une association Transition Permacole. En fait, le but de cette association-là, c'est de mettre en place des actions, des activités qui sont pensées selon les principes de la permaculture. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme et une répartition équitable des productions, des richesses. Voilà. Alors, à l'origine, on est d'Annonay, tous d'Annonay. Bon, après, on a eu notre vie professionnelle avant, nos études, voilà. Et quand on s'est marié avec ma femme, on a eu envie de revenir ici. Et donc, on a eu l'opportunité de venir habiter là, qu'on a saisi avec plaisir, parce qu'on est tous très attachés à la ville d'Annonay, en fait. Avec l'envie de développer quelque chose ici, quoi, vraiment de faire quelque chose de ce lieu. Ça a commencé, je vous dis, quand j'ai fait du jardin avec ma belle-mère. Ouais. Voilà. Et il y a eu un déclic qui s'est produit, avec l'envie, la curiosité d'apprendre, de découvrir plein de choses. Jusqu'à ce que je me dise, bah, en fait, on a ce grand terrain, j'ai envie de travailler ici. On m'avait parlé de maraîchage, de dire oui, tu veux pas faire du maraîchage. On me l'avait évoqué plein de fois, puis je me disais non, parce que pour moi, le maraîchage, c'était des grandes surfaces, c'était les tracteurs, tout ça. Et alors, c'est pas du tout mon truc, je suis absolument pas doué en mécanique ou voilà. Donc, je me disais que non, c'était pas possible. Jusqu'à ce que je fasse ces découvertes-là de micro-fermes, de techniques de maraîchage, je me suis dit, mais oui, ça correspond à ce que je suis, à ce que je veux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Est-ce que c'est important d'être dans une ville? Je sais pas. Je vois plus la chose de la manière suivante, c'est que je suis dans une ville. On bénéficie de ce terrain, on a ce terrain. Et on aurait pu se dire, bah, on va acheter un terrain à la campagne, on va vendre ici, ça va devenir un lotissement, parce que c'est ça, en gros, qu'il y a derrière. Mais en fait, non. Donc on a ça, et on se dit, bah, c'est possible de créer quelque chose en ville. Ouais. Et au contraire, je pense qu'il faut le faire. Je pense que vous avez plein d'espaces en milieu urbain qui sont sous-exploités, qui pourraient faire d'incroyables oasis de biodiversité, de production. On minimise vraiment, je pense, le potentiel d'une ville. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller chercher à l'extérieur des villes des ressources pour faire fonctionner la ville? Moi, j'aime Annonay, en fait. Et pourquoi on veut rester sur Annonay? Parce que c'est une ville, pour nous, qui a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, et je pense qu'au niveau alternatif, ça peut être vraiment intéressant. Jusqu'à présent, les démarches que j'ai pu effectuer, les gens que j'ai pu rencontrer, je remarque un accueil plutôt positif, une certaine forme de curiosité aussi, hein, un vrai intérêt. Les gens ont envie de voir ce que ça peut donner, à quoi ça peut ressembler, et puis bon, je pense que c'est plutôt positif pour l'instant. Je pense qu'il y a plein d'initiatives. Après, est-ce qu'on est vraiment rentré en lien avec des gens? Pas tout à fait. Par contre, j'espère qu'il va y avoir... C'est un peu le début aussi. Hein. Ouais. J'espère, quand les choses vont se mettre en place, pouvoir avoir l'occasion de rencontrer et effectivement trouver des partenaires. C'est mon souhait, en tout cas. Ouais. Je pense que c'est un chemin qui est long. C'est pas évident d'avoir ce souci réel. Enfin, on est tous très pris par nos vies, par un système comme ça qui fait qu'on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Par contre, ce que je crois être important, c'est de mettre en place des initiatives. C'est de faire des choses qui, à partir du moment où elles existent, ben, vont permettre peut-être justement à des gens de se rencontrer, de sensibiliser. Il y a une forme de sensibilisation dans des projets comme celui-ci. Mais oui, je pense que ça prendra du temps, mais finalement, je pense que c'est difficile d'imposer. C'est difficile d'imposer les choses aux gens, en fait. Voilà, à partir du moment où il faut que ce soit intégré pour que ça ait une vraie valeur. Après, je pense que c'est un peu illusoire d'attendre que du jour au lendemain, tout le monde se mette à adorer la nature, et puis on se dit aller vers une société durable. Ça implique quand même, sur le plan personnel, des concessions. Hein, et ces concessions-là, il faut s'y confronter, il faut les vivre, et on n'a pas toujours envie, parce que c'est parfois inconfortable. Mais moi, je pense que l'inconfort est fait pour justement nous bouger à dépasser cette situation d'inconfort. Pour moi, pour que ce soit durable, vraiment, hein, et pas du greenwashing qui dit « Oh là là, c'est super, on a des super jardins, on a plein de fleurs dans notre ville, tout ça, hein, tu vois. » C'est de la comédie, quoi. Hein. C'est du cinéma. Le vrai engagement, voilà, il se fait au-delà du « simplement c'est joli », quoi. Mais moi, j'y crois. Il y a des perspectives, ouais. Il y a de vraies perspectives, ouais. Qui, je l'espère, vont se concrétiser, mais qui vont ne faire que grandir. Le projet va se développer, ne serait-ce que déjà par les stages, les formations, les choses comme ça. On est amené à rencontrer plein de gens. Ouais. L'année dernière, on a fait une visite de jardin par l'intermédiaire de l'association de Bio et d'Audace. Il y a une vingtaine de personnes qui sont venues. Bah, il y a des, voilà, oui. Autant de gens que vous rencontrez, autant de possibilités, de perspectives. Voilà. Après, tout n'aboutit pas, mais oui. Ce qui est intéressant, finalement... Quand on réfléchit à une agriculture locale ou quoi que ce soit, c'est de développer des réseaux. Peut-être même d'en créer aussi. Voilà, parce que c'est une manière assez nouvelle de pratiquer l'agriculture.

Et pour terminer nos balades bucoliques en pleine ville, tu nous proposes, Julie, un petit détour par une grande capitale européenne, tout autant connue pour la grisaille de ses bâtiments que par la verdure de ses jardins. Bonjour Berlin, tu peux être tellement moche, si sale et si grise, toi qui peux être si joliment moche. Tes nuits me dévorent et c'est ce qu'il peut m'arriver de mieux. Je rentre chez moi et je m'endors et pendant que je marche à travers les rues, le ciel passe doucement du noir au bleu. Ce refrain, traduit de la chanson de Peter Fox, Schwarz zu Blau, est une ode à Berlin. Probablement l'une des capitales les plus grises d'Europe, ancienne ville industrielle et encore fortement touchée par le chômage, elle est aussi l'une des villes d'Europe où l'on se sent le mieux. Se sentir bien dans une ville grise, ça veut tout et rien dire. Mais puisqu'aujourd'hui il est question de nature en ville et que nous sommes encore dans notre nacelle des réinventeurs pour quelques minutes, j'aimerais faire un détour dans le ciel de Berlin et survoler avec vous ses grands parcs et ses petits jardins. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich auf. Und während ich durch die Straßen laufe, wird langsam schwarz zu blau. En partie entourée par un mur pendant une bonne quarantaine d'années, la ville de Berlin ne s'est pas trop étalée. Elle est très grande, mais autour, ce sont les forêts, les lacs à perte de vue. Et en plein milieu de la ville, un immense parc, le Tiergarten, 210 hectares, la taille d'un aéroport. Un peu partout, il y a d'autres parcs, celui du quartier de Friedrichshain, de Treptow, le long de la Spree, ou encore celui de Victoria, un peu plus petit, un peu plus au sud. Il y en a des dizaines où il fait bon se retrouver pour un pique-nique, un badminton, une balade ou une sieste. Toujours ouvert, ils n'ont rien de spécial si ce n'est qu'il y fait bon vivre. Et puis, la nature se loge aussi ailleurs, un peu partout. Une nature sauvage qu'on trouve dans les îlots abandonnés ou détruits, des petits espaces de friches qui perdurent malgré la densification urbaine. Mais aussi une nature apprivoisée, au pied des arbres où dans certains quartiers, les riverains s'emparent des petits bouts de terre pour planter leurs fleurs, leurs tomates, installer des bancs fabriqués par leurs soins avec des briques et des brocs. Le résultat ? Une nature luxuriante vous entoure de mai à octobre dans cette ville grise l'hiver mais verdoyante au beau jour. Les espaces libres sont nombreux, mais nombreux sont aussi les riverains et les riveraines qui s'en emparent pour décorer et se réapproprier leur ville. Et puis pas besoin de faire d'aussi grands détours pour trouver l'inspiration et des idées afin de laisser entrer la nature dans notre petite ville. Un réseau comme par exemple les incroyables comestibles, et je cite le site des Colibris, c'est un concept citoyen et solidaire qui se propage actuellement partout dans le monde. L'idée est simple, faire de la ville un immense jardin partagé auquel tout le monde peut contribuer. Fin de citation. Les possibilités de faire pousser des choses sur nos balcons, au pied de nos arbres, de s'emparer des espaces en friche dans nos villes sont nombreuses. Et c'est sûr, il ne tient en partie qu'à nous d'aller nous en emparer pour les réinventer. Et voilà, notre vol est terminé, il est déjà temps d'atterrir. Un grand merci à tous les réinventeurs jardiniers urbains qui ont bien voulu nous parler de leur amour de la nature. Bien sûr, merci à toi Régis pour avoir piloté le ballon. Et merci à toi Alice pour avoir dessiné avec moi la carte de notre petit voyage. On se retrouve sur les ondes de Radio d'ici, à Saint-Julien-Molette et à Annonay, et bien sûr en podcast sur le net. À bientôt. Bye bye. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des mers. Oh,